tellement voulu savoir écrire des chansons tristes. Pour pouvoir dire ce que j'ai dans le cœur et crier fort cette injustice. C'est peut-être pas l'homme qui prend la mer, mais c'est lui qui boit l'amertume. Tu l'as pris pour toujours, souffle le vent, vole l'écume. Quand ta vie a pris le grand large, l'argent ne coulait pas à flot. Capitaine de l'intérimaire, ton navire ne prenait pas l'eau. Les avaries et les tempêtes se racontaient par un sourire. Il prévoyait déjà le pire. Quelquefois souffle le vent, vole l'écume. J'aurais tellement voulu pouvoir te dire salut et à bientôt. T'as jeté l'angle bien loin d'ici, garde-moi une place près de toi au chaud. Ici on a plus de gouvernail, tiens-moi la mer, tiens-moi le vent. Ce ne sont pas tes funérailles qui changeront les choses pour autant.